Donc on est avec Nico, soignant Rouvray, blouse noire. Et toi d'ailleurs qui a été parmi les 9 personnes qui ont eu des procédures disciplinaires. Déjà, est-ce que tu peux faire un point sur toi et comment... Est-ce que tu es tiré d'affaire ou pas encore ? Alors moi, ça s'est terminé par un avertissement. Donc je ne suis pas allé jusqu'au conseil de discipline parce qu'il n'y avait pas ces histoires d'injures ou d'insultes. Donc moi, c'était juste la diffusion de la note de service sur la page Blouse Noire. Donc moi, je m'en suis tiré avec un avertissement et j'ai rendez-vous demain matin avec le directeur. J'ai demandé moi un rendez-vous avec le directeur pour qu'il puisse m'expliquer pourquoi j'ai un avertissement. Parce que ni notre directeur des ressources humaines, ni notre directrice des soins n'arrive à me l'expliquer. Donc je suis allé frapper directement à sa porte pour qu'il puisse me recevoir. Donc il m'a fait poireauter, mais il me reçoit demain matin. Très bien. Bon, bah, il faudra que tu nous tiennes au courant aussi. Ok. Et parmi les actions qu'il y a eu, là, il y a une mobilisation qui n'arrête pas, en fait, depuis que ces procédures sont mises en place. Et il y a eu notamment, il y a 2 semaines, un beau camping qui s'appelle le camping à la ferme Ta Gueule. Tu peux nous parler de ça ? On a décidé, voilà, de pour occuper un peu le terrain, d'ouvrir ce camping qui a fonctionné pas très longtemps parce qu'il y a eu malheureusement... Dans la région, pas mal de nouveaux clusters Covid-19. Du coup, ce qu'on reprochait à la direction, c'était de ne pas nous avoir protégés. Donc on s'est dit que faire un lieu de rassemblement où on était tous les uns sur les autres et où il y a beaucoup de monde qui commençait à passer, c'était pas donné le bon exemple. Donc on a préféré suspendre le camping pour donner un meilleur exemple que celui que nous a montré la direction. Donc il a tenu une bonne semaine. Et puis là, on a levé le camp. Le directeur nous a demandé au syndicat de lever le camp sous 24 heures. Le connaissant, on a préféré sauver notre matos de camping pour nos prochaines vacances et plutôt qu'il s'en occupe tout seul. On ne sait pas dans quel état on aurait tout récupéré. Mais la mobilisation, elle continue maintenant sous d'autres formes. Enfin, là, sur... Il y a un rassemblement et puis après il faudra attendre les résultats qui vont malheureusement tomber pendant l'été, qui est une période souvent propice à faire passer des saloperies en douce. Mais du coup, comment se prévoit la mobilisation pour la suite ? On va voir au fur et à mesure. C'est sûr que le directeur ayant un mois pour donner sa sanction, ça va... Tactiquement, je pense qu'il va attendre la fin du mois de juillet pour envoyer les sanctions. Donc il y aura forcément moins de monde, ça sera forcément plus difficile de mobiliser. Mais voilà, nous on est tous droits dans nos bottes. On sait que voilà, ce qu'on demande, c'est pas de sanctions parce qu'on va se répéter. Mais c'est plutôt pour nous, c'est plutôt à eux de s'excuser de la façon dont ils ont géré les choses plutôt qu'à nous. Donc on continuera, il y aura d'autres mobilisations. On fera avec les moyens du bord sur le moment, mais clairement on ne va pas s'arrêter. Et déjà sur le plan administratif, on ne s'arrêtera pas. Et s'il faut aller au tribunal administratif ou lancer d'autres procédures, on ne va pas s'en empêcher. Clairement, c'est 0-100. On n'arrêtera pas tant qu'il y aura des sanctions. Merci. De rien.